Ceux que l'on appelle en général les chroniqueurs du Moyen-Âge peuvent être considérés comme les premiers de nos historiens en langue française. Je vais vous proposer des extraits de quatre d'entre eux, à savoir Geoffroy de Villehardouin, Jean Froissart, Jean de Joinville et enfin Philippe de Comines.